La machine de censure YouTube supprime. Appel urgence à la vigilance de CLA TV. La nature nous enseigne que, surtout en temps de crise et de menaces existentielles, le seul salut réside dans l'action en commun. Ainsi, en cas de besoin, les poissons forment un gigantesque banc de poissons qui est soudainement bien supérieur à tout attaquant redoutable. De même, les bœufs musqués forment un front commun contre lequel tout agresseur dangereux est impuissant. Dans cette émission, nous souhaitons montrer une toute nouvelle façon, basée sur ces lois de la nature, de sortir de la crise du coronavirus actuel. Le gouvernement fédéral allemand ne voit une issue à la crise que lorsqu'un vaccin sera mis à la disposition de la population. Du fait que les médias restent largement muets sur les risques incalculables de cette vaccination, cela a incité CLA TV à lancer un appel urgent à la vigilance, car ce projet de nouvelle vaccination à ARN contre le coronavirus modifie directement les gènes humains. Notre vidéo de 6 minutes, Appel urgent à la vigilance, la vaccination anti-coronavirus intervient dans l'ADN, est une vraie bombe. Rien que sur notre site, plus de 880 000 personnes ont regardé cette émission émouvante au cours des deux premières semaines suivant sa diffusion. Notre appel urgent à la vigilance s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Mais comment réagit l'énorme plateforme Internet YouTube? YouTube a supprimé brusquement notre émission Appel urgent à la vigilance de sa plateforme sous le prétexte hypocrite qu'elle violerait les directives de la communauté YouTube. Cette approche suggère que YouTube doit avoir toute une armée de censeurs et est devenue une machine à censurer. Cette suppression confirme donc uniquement l'urgence de notre réveil. En effet, non seulement les médias de masse, mais maintenant aussi YouTube, de manière irresponsable et par tous les moyens autorisés et surtout non autorisés, privilégiant d'avis d'experts, des avis qui veulent nous avertir et nous sauver. Il s'agit donc d'une censure très claire. L'avertissement de CLA TV ne doit pas atteindre la population. Que peut-on faire face à cette violation flagrante de la loi? C'est là que les lois de la nature mentionnées au début entrent en jeu. En tant qu'individu, on est impuissant face à cette censure. Mais si un essaim de propagation se forme, un géant comme YouTube se retrouve soudain sur la touche. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, faites partie de cet énorme essaim de propagation et contribuez à avertir tous les habitants des pays germanophones et bien au-delà de ce danger existentiel venant de cette vaccination à l'ARN. Informez surtout vos connaissances et vos amis qui sont principalement orientés vers les médias de masse. Nous allons maintenant afficher à nouveau le lien original CLA TV de notre émission « Appel urgent à la vigilance ». Dénoncez toute censure de YouTube en diffusant ce lien CLA TV de toutes les manières possibles, par mail, Facebook, Twitter, WhatsApp et tous les autres réseaux sociaux. De cette façon, la crise du coronavirus ne sera pas résolue par un vaccin, mais par un peuple éveillé.